fédération, vous appelez la fédération, ou l'Interpro. C'est pour un collectif de radio associative. Ah bah là c'est différent. Ah c'est différent. Ah le barrage, il faut franchir les barrages. Bon, bonjour. Bonjour. L'énergie est dans la rue, de nouveau. Oui, bah, depuis le 5 décembre. Ouais. Voilà. On n'arrête plus. Et on fait des initiatives sur toute la Normandie. Ouais. Par exemple, la semaine dernière, on a été sur Caen, on a occupé un poste. On était à peu près 400. Bon, je ne vous fais pas de dessin. Un poste voilà. Électrique. Oui, un poste ouais. Électrique. RTE et Enedis. Ok. Voilà. Vous faites des coupures d'électricité dans la région ? On a fait sur Caen, il y en a eu sur le Havre a été coupé. Ouais. Il y a eu la métropole, les vœux de la métropole ont été. Ils sont terminés dans voilà. Le noir. Sur Évreux, il y a eu le poste de Val-de-Reuil où ils ont coupé Sanofi, il y a toute la zone industrielle. Et il y a des coupures et là on va essayer de monter, c'est les remises en jus des familles qui sont coupées pour impayés. Donc on appelle ça les fameuses opérations Robin des Bois. Ok. Voilà. Et la semaine prochaine, rebelote, on refait, voilà. À partir de lundi, il y a des opérations sur l'outil de travail à partir de lundi. Ok. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me parler de l'évolution des conditions de travail dans votre secteur ? Bah, nous, on a le projet Hercule qui a été pondu par le président Lévy. C'est quoi ça ? En fait, c'est la séparation. Vous savez, avant on avait EDF, GDF, bon après c'est passé Engie maintenant avec la loi PAC totalement privatisée. Et EDF, ils ont un projet, c'est de séparer l'entreprise en deux. Donc garder la production nucléaire et se séparer, ouvrir le capital de la distribution, du RTE, du commerce, de tout. Donc on sera vraiment séparés en deux. Ok, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact ça ? Bah, sur les usagers, ils risquent d'avoir, bah, c'est le rendu au niveau du service public. Là, le service public va être vraiment mis à mal avec ce projet Hercule. D'accord. Votre prénom, c'est quoi ? C'est Bruno. Merci Bruno. Bonne manif. Merci. Et Bruno, du coup, on reparle un peu parce que tu me parlais du droit à l'énergie, là, parce que toi, tu es militant pour le droit à l'énergie aussi. Tout à fait. Donc, en fait, cette association a été montée à l'initiative de l'Union départementale CGT, du Conseil général CGT et du syndicat Énergie Rouen CGT. Donc, nous, notre but, c'est qu'il n'y ait plus du tout de coupure dans l'année pour les personnes en précarité énergétique, de baisser la TVA à 5,5 au lieu de 20 et quelques sur la consommation. Donc plus de coupures, la TVA. Et là, on est en train de travailler sur une tranche gratuite pour tout le monde. Une tranche gratuite, puisque en fait, l'électricité, c'est un bien vital. Okay. Voilà. Merci. Vous n'avez pas de cause profonde, si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate pour les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Il n'y a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons. Attention. C'est déterminé là, les playlists aujourd'hui. Pardon ? C'est déterminé les playlists aujourd'hui. Ouais, c'est carrément déterminé. Ouais. Ça change un peu ? Ça change un peu, ça met une autre ambiance quoi. Ouais, ça réveille un peu les foules aussi, ouais. Ça fait plaisir. On va continuer, on va rien lâcher là. Là pour le moment, on est déterminé à rien lâcher. Et voilà, c'est bien. Toi, t'es allé la CGT Énergie ? CGT Énergie Rouen, ouais. On revendique pas mal de choses. Et là, on est en train de se diriger vers le port de Rouen, qui est dans une opération port mort depuis hier. Une nouvelle opération port mort, parce que les ports ont déjà été bloqués la semaine dernière, même si ça n'est que très peu passé dans les médias. Les mêmes navets par un fête au box-office et les victoires de la musique célèbrent la fête de la saucisse. Bonjour. Laisse-les faire leur cochonnerie. Est-ce que vous êtes fatigué? Absolument pas. Ok. Vous allez continuer à lutter? Ah bah j'espère bien. Vous êtes dans quel métier? Moi je suis relaxologue et assistante sociale. D'accord. Vous adhérez à un syndicat ou vous venez tout seul? J'ai une préférence pour la CGT mais je suis pas syndicalisée. Et pourquoi vous marchez des kilomètres aujourd'hui? Parce que le monde marche sur la tête. Pour l'espoir, parce que là c'est pas normal ce qui se passe. Les gens sont malheureux. Voilà. Votre prénom, c'est quoi? Émilie. Et c'est comme ça que la réplique s'élabore. Habite les tympans de la pire des majors. Chaque concert est une célébration. On fait du bruit comme un besoin criant d'élévation. Mais dans combien de titres faudra-t-il que je t'insulte? Ton cerveau mercantile et ta musique d'un culte. Le thème revient parce que c'est bonjour. Pire, je peux lire votre panneau? Un jour, dites-vous bien qu'il faudra y aller comme si c'était le dernier. Vous voulez expliquer? C'est pas qu'une fois qu'on nous force à agir par contrainte que il sera déjà trop tard en fait. C'est pas quand on est résigné qu'il faut agir parce qu'il sera trop tard. C'est quand il faut prendre pleine possession de ce qui se passe autour de nous, se recontextualiser, la hiérarchisation des priorités dans notre vie. Qu'est-ce que c'est? C'est consommer, travailler, être fataliste, résigné, travailler. Pourquoi? Pour assouvir cette société de consommation. Ou alors, tout le monde va se décontextualiser, se soumettre à l'obsolescence programmée, à des effets de mode. Et toute sa vie, on va être esclave de cette société de consommation. On nous parle tout le temps de bonheur, mais en suivant cette logique-là, on finira tous par être tristes. Gilet jaune? Ouais, je suis gilet jaune depuis la première heure. J'étais au rond-point de la mode, j'étais au rond-point des vaches. Nous, on a fait que bâtir et eux, ils détruisent tous nos droits sociaux. Ton prénom, c'est quoi? Alexandre. Merci, Alexandre. Déjà, c'est une question d'argent parce qu'ils sont pas. Oui, ça en fait partie pour vivre dignement. Pour vivre dignement. Souriez, vous êtes filmé. Donc là on arrive sur le port de Rouen. Il y a beaucoup de monde sur le port de Rouen. J'avais envie d'aller courir. Avec toujours la capitainerie fermée, bloquée par les grévistes.